En poésie, on appelle distique un groupe de deux vers. Il est deux vers grecs devenus célèbres et que beaucoup de gens instruits ont jugé digne d'orner leur mémoire, tant ils ont de grâce et d'élégance dans leur brièveté. Un grand nombre d'auteurs anciens les attribuent au philosophe Platon, comme un jeu d'esprit par lequel il aurait prélude dans sa jeunesse aux tragédies qu'il voulait composer. En donnant un baiser à Agathon, j'avais l'âme sur les lèvres. Elle était venue toute troublée, comme pour s'enfuir. Un de mes amis, jeune nourrisson des muses, a développé ce distique dans une pièce de vers où la licence de l'imitation ne s'est pas arrêtée aux mots. Et comme ces vers ne m'ont pas paru indignes d'être retenus, je les cite ici. Lorsque de ma bouche mi-close, je baise mon jeune ami et que je respire sur ses lèvres le parfum de son haleine, mon âme languissante et blessée accourt sur les miennes et cherche à se frayer un passage entre ces deux rives charmantes. Alors, si nos bouches demeuraient unies un seul instant de plus, mon âme brûlante d'amour passerait de mon corps dans le sien. Oh, quel prodige ce serait! Je serais mort à moi-même et je vivrais en lui.